Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. En moins d'une année, plus de 34 000 rapatriés sont rentrés à partir des pays voisins où ils s'étaient exilés en 2015. C'est le HCR et la Direction générale du rapatriement qui donnent ces chiffres. Deux étudiants de l'Université du Burundi arrêtés la nuit de ce lundi sont sous interrogatoire. La police annonce qu'ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité. Et célébration ce mercredi du 242e anniversaire de l'indépendance des États-Unis à l'ambassade de ce pays au Burundi. L'ambassadrice Anne Casper a indiqué que les États-Unis ont bien accueilli la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 2020. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nous ouvrons ce journal sur la page Société. Et bien, des personnes qui s'adressent aux différents services de la mairie de Bujumbura apprécient positivement la qualité des services qui leur sont rendus. Entre autres, celles qui viennent chercher les documents liés à l'impôt foncier, ainsi que celles qui cherchent les documents liés au transport public. Toutes disent qu'ils sont bien accueillis. Suivez-le, ils sont au micro de Gertrude Mawenayo. Je suis venu payer la carte de stationnement. Comme je devrais d'abord passer à la fine banque pour avoir un bordereau de versement qui me donne accès à cette carte, je viens de passer peu de temps ici. Nous leur donnons nos cartes et ils les signent et après ils nous emmènent nos cartes. Il n'y a pas de problème. Tout se fait avec rapidité. Il arrive que quelqu'un passe beaucoup de temps ici, mais tout dépend du nombre élevé de demandeurs de service. Même ceux qui sont venus avant moi, ils sont tous partis. Ils ont été rapidement accueillis et moi aussi, on m'a accueilli d'une façon rapide, sans problème. Je suis venu payer l'impôt foncier. C'est vers 8 heures que je suis arrivé ici. J'ai été bien accueilli. Ça s'est très bien passé. J'ai terminé toutes les procédures. Il ne reste que me donner les documents pour que je rentre à la maison. Tu vois que je suis vieille. J'étais venu enregistrer une parcelle pour payer l'impôt foncier. Aujourd'hui, nous avons été bien accueillis. Nous n'étions pas un grand nombre. Ils nous accueillent avec respect. Ils nous ont donné des documents à compléter et après, nous avons payé au compte de la mairie. Et en fait, ils ont apposé des signatures sur nos documents. Ça s'est vraiment bien passé. Qu'ils puissent continuer ainsi à nous faciliter la tâche. Nous demandons aussi que la mairie puisse user la patience parce que, à cause de la pauvreté, des fois, nous sommes en retard pour régulariser nos dettes. Ils avaient voulu qu'on paye au mois d'avril, mais voilà que nous venons payer au mois de juillet. Ce n'est pas de notre volonté, c'est à cause de la pauvreté. Que la mairie nous comprenne et nous accueille à n'importe quel moment qu'il nous est possible de payer. Et voilà, ce sont des demandeurs de différents services à la mairie de Bujumbura qui se sont exprimés au micro de Gertrude Mawenayo. Célébration ce mercredi du 242e anniversaire de l'indépendance des États-Unis à l'ambassade de ce pays au Burundi. Dans son allocution, l'ambassadrice Anne Casper a indiqué que son pays a appuyé le Burundi dans différents domaines sociaux, dont celui de la santé. Elle a aussi précisé que les États-Unis ont bien accueilli la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 2020. Ali Dandaïkeza a suivi les festivités. Dans ces cérémonies du 242e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis, Anne Casper, l'ambassadrice au Burundi, a indiqué qu'il donne une assistance dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et la santé. Elle a précisé que cette intervention est bénéfique à la population burundaise. Anne Casper a fait savoir également qu'un montant de 50 000 dollars sera donné à la population qui a été touchée par les inondations. Pour ce qui est de la politique, l'ambassadrice des États-Unis a dit qu'ils ont été satisfaits par le choix du président Nkurunziza de ne pas se représenter pour les élections de 2020. Nous avons accueilli avec satisfaction l'annonce du président Nkurunziza de ne pas se présenter en 2020 comme une opportunité pour établir un climat de confiance au sein de la classe politique et de renforcer la démocratie. Quand je suis arrivée dans ce pays en 2016, les Burundais m'ont conseillé d'être patient, me faisant comprendre que les choses au Burundi prennent du temps. Cependant, le temps semble s'accélérer ces jours-ci, particulièrement avec l'approche des élections de 2020. Le secrétaire permanent au sein du ministère des Affaires étrangères, Jean de Dieu Ndikumana, a indiqué que la nouvelle constitution votée par le peuple burundais est un signe éloquent de démocratie. Les présences et cérémonies coïncident avec le moment où le peuple burundais vient de se doter d'une nouvelle constitution votée le 17 mai par voie référendaire. Le succès de ce référendum est un signe éloquent que les principes démocratiques sont de plus en plus ancrés dans nos valeurs. Une épreuve de maturité politique du peuple burundais qui permet d'envisager de manière radicalement nouvelle son propre avenir. Je voudrais demander à la communauté internationale, en particulier les États-Unis d'Amérique, d'accompagner les Burundais dans le choix de leur avenir. Lors de ces cérémonies, Anne Casper, ambassadrice des États-Unis au Burundi, a tenu à préciser que son pays restera aux côtés du Burundi pendant cette période cruciale des élections. Merci à Idandaï Keza pour ce reportage sur la page de société. Plus de 34 000 rapatriés sont rentrés entre septembre de l'année dernière et la fin du mois de juin cette année à partir des pays voisins. La Direction générale du rapatriement et le Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi précisent que ceux qui sont revenus constituent une partie de plus de 390 000 réfugiés burundais qui se sont exilés en 2015 dans quatre pays voisins. Mireille Kanyange pour les détails. Les 34 484 rapatriés reçus via les convois venant de la Tanzanie entre le 7 septembre 2017 au 30 juin 2018 sont répartis en 11 338 ménages selon les données du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi et de la Direction générale du rapatriement au ministère burundais de l'Intérieur, une situation au 31 mai de cette année. Parmi ces rapatriés, 51% sont des femmes et jeunes filles, 57% sont des enfants mineurs et 710 sont des enfants non accompagnés ou séparés. Plus de 6 000 Burundais proviennent des provinces Muyinga et Makamba chacune. Ils sont de plus de 5 000 chacune dans les provinces Ruyigi et Rutana, plus de 3 000 chacune dans les provinces Kirundo et Changuzo. Plus de 900 rapatriés sont originaires des provinces Rumonge et Karusi chacune. La province Mwaro n'a pas enregistré de mouvement important de retour. Ils sont au nombre de 65 durant la période de septembre dernier jusqu'au 30 juin de cette année. D'après toujours ces données de l'Agence onusienne pour les réfugiés, plus de 390 000 Burundais se sont exilés vers les pays voisins, notamment en République unie de Tanzanie, où se trouvaient plus de 240 000 réfugiés burundais au 31 mai de cette année, en République démocratique du Congo, où il y avait plus de 44 000 Burundais, au Rwanda, où il y avait plus de 69 000 et en Ouganda, où il y avait plus de 41 000 réfugiés burundais. Plus loin, au Kenya, au 31 mai de cette année, les Burundais réfugiés dans ce pays se chiffrent à 13 200. Ils sont de 4 800 au Mozambique, 3 600 au Malawi et 2 500 en Zambie, rapporte le Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi. La radio de l'avenir. Nous poursuivons ce journal sur la page justice. Les deux étudiants de l'Université du Burundi arrêtés la nuit de ce lundi sont sous interrogatoire. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique dit qu'ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité. Pierre Houlikié précise qu'une décision appropriée sera prise à la fin de l'enquête. Et sur la page mine, la cession du titre minier doit être préalablement agréée par le ministre de l'Énergie et Mines après le Conseil des ministres, comme contenu dans l'article 52 du règlement minier au Burundi. Le titulaire du titre minier, qui n'envisage pas le renouvellement du dit titre, doit le communiquer 3 mois avant l'expiration du terme. L'autorisation de l'exploitation minière peut être retirée en cas de non-respect des engagements par le détenteur du titre minier, Elini Bel Nibigira. Dans nos éditions précédentes, nous vous avons parlé de la délivrance du titre minier pour obtenir l'autorisation d'exploiter les mines au Burundi. Dans ces articles 54 et 55 du règlement minier du 7 juin 2015, prévoit comment le titulaire du titre minier lui est retiré, surtout en cas de manquement aux obligations légales et contractuelles. L'Agence de régulation des mines a les prérogatives de dresser un rapport après tous les 6 mois pour veiller au respect de la loi et la convention. Une fois que l'agence remarque qu'il y a eu des manquements au cours des travaux, le titulaire du titre minier est tenu à régler la situation dans moins de 3 mois, sinon le titre minier est révocable. Cependant, le titulaire du titre minier peut le perdre sans toutefois suivre le déclenchement de la procédure de révocation stipulée par l'article 54 du règlement minier en cas de manquement aux obligations légales et contractuelles. Le Code minier, en son article 37, énumère les conditions dans lesquelles le titre minier peut être retiré. C'est en cas de retard injustifié dans le démarrage ou le déroulement des travaux ou des opérations incombant au titulaire résultant de la convention minière, cession, amodiation ou modification dans la composition du capital non conforme au Code minier, ainsi que la non-communication des renseignements techniques exigés. Le détenteur du titulaire de titre minier est tenu à communiquer au moins 3 mois avant l'expiration de dit titre s'il n'envisage pas le renouvellement de ce titre. Il informe au ministre ayant les mines dans ses attributions ainsi que la Direction générale des mines. Dans nos éditions prochaines, nous vous parlerons du permis d'exploitation pendant la période d'exploitation. Radio Isanganiro, chronique justice. Lorsqu'un mandataire ou préposé de l'État ou d'une commune commet une faute qui engage ses institutions, l'État ou la commune peut se retourner contre lui. Il s'agit d'une action en justice, dite action récursoire, comme l'explique le président du Centre de formation professionnelle de la justice. Cela ressort de la loi portant réglementation de l'action récursoire et de l'action directe de l'État et des communes contre leurs mandataires et préposés. Édouard Minani considère que cette action succède surtout celle d'un citoyen qui a obtenu gain de cause pour le dédommagement des préjudices. Les détails dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukeyenez. Lorsque la justice établit qu'un mandataire ou préposé de l'État ou d'une commune a commis une faute engageant ses institutions et que ces dernières doivent indemniser la victime qui a agi en justice pour dédommagement, ces institutions doivent répondre. Seulement, l'État ou la commune a la faculté de se retourner contre le mandataire ou préposé par une action en justice. C'est la mise en œuvre de l'action récursoire, comme l'explique Édouard Minani, président du Centre de formation professionnelle de la justice. C'est un recours en justice exercé contre le véritable débiteur d'une obligation juridique par celui qui est tenu de l'exécuter en tant que débiteur solidaire ou garant ou responsable du fait d'autrui. Lorsque l'État engage ou confie des responsabilités à des cadres ou la commune confie des responsabilités à des mandataires ou des préposés, l'État ou la commune doit les couvrir en quelque sorte. Un mandataire ou préposé de l'État qui agit en dehors de ses missions engage sa responsabilité personnelle. Mais lorsque le préposé, le mandataire, agit en dehors de ses missions, eh bien, il engage sa responsabilité personnelle. Mais l'État, du fait qu'il est placé sous son autorité, l'État est obligé alors de réparer le dommage causé par le préposé, le mandataire, et doit se retourner contre le mandataire ou son mandataire se préposé par une action en justice. Édouard Minani précise que l'origine de l'action récursoire est la faute intentionnelle ou la négligence d'une gravité exceptionnelle n'ayant aucun lien avec le service. L'abus de service, c'est la violation du devoir général qui impose de se conduire après toutes les précautions possibles. Mais la faute détachable de la fonction et qui engage à la responsabilité de l'auteur, c'est cette faute qui est commise intentionnellement ou par mégarde, mais d'une gravité exceptionnelle qui n'a aucun lien avec le service. C'est ça alors cette faute qui engage la responsabilité de l'auteur et l'État doit couvrir cette faute en dédommageant le tiers qui a eu un dommage et l'État se retourne contre son préposé ou son mandataire. Le président du Centre de formation professionnelle de la justice illustre par des fautes détachables du service que le mandataire ou préposé commettrait délibérément. Un conducteur de véhicule peut commettre un accident de roulage, c'est normal. Mais ce n'est pas normal qu'il prenne le véhicule ambulance de l'hôpital pour la faire du transport en commun ou du transport public. Ça, c'est une fausse voie intentionnelle, c'est en dehors du service. Il commet délibérément une faute intentionnelle en prenant l'ambulance de l'hôpital pour transporter les gens vers des destinations inconnues. Ça, c'est une faute vraiment totalement détachable du service. Édouard Minan y fait la distinction entre les fautes de service et des fautes détachables du service. Ainsi, un policier qui saisit des marchandises prohibées ne commet aucune faute, mais un officier de police judiciaire qui prolonge la durée de garde à vue en dehors de la loi commet délibérément une faute susceptible d'engager l'État. Le président du Centre de formation professionnelle de la justice nous parlera dans la prochaine chronique de la mise en œuvre de l'action réquisitoire ainsi que la juridiction compétente. Actualité international. En actualité internationale, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, a décidé ce mercredi 4 juillet une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques. Cette mesure spectaculaire est prise dans le but de bien préparer le dialogue politique convoqué pour mi-juillet. Et au Zimbabwe, le nouveau chef d'État, Emmerson Mnangagwa, a promis que les élections du mois prochain seront libres. Les détails avec Jérôme Hakizimana. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema a décidé ce mercredi, le 4 juillet, une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité selon un décret lu à la télévision nationale. Une mesure spectaculaire est un geste envers l'opposition qui avait fait de cette amnistie une des principales conditions à la participation au dialogue politique convoqué mi-juillet. Et au Zimbabwe, l'armée promet de rester neutre. Cette promesse a été faite par un porte-parole militaire ce mercredi le 4 juillet lors d'une des rares conférences de presse de l'armée. Il faut dire que la tension monte à quelques semaines des élections générales, les premières sans l'ex-président Robert Mugabe. Le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, répète depuis des mois que les élections du 30 juillet seront libres et équitables. Le colonel Ovason Mugwisi a tenu à expliquer le rôle de l'armée et a refuté des informations selon lesquelles celle-ci est utilisée pour le parti du pouvoir pour triquer les élections. Jérôme Hakizimana, il est stagiaire ici à la radio Isanganiro. C'est sur ce tour de l'actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Isanganiro.